Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai Goa. J'ai l'impression que c'est pas la première fois. J'ai la sensation d'avoir déjà vécu cette scène. Il faut qu'il y ait de la souffrance. Ça fait partie des règles. Et une âme de chat, à quoi cela ressemble-t-il juste? Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Cinquième épisode. C'est le soir du huitième jour que cette existence régulière, simple et centrée uniquement sur moi-même, a volé en éclats. Mais naturellement, cela devait arriver tôt ou tard. Cela devait arriver tôt ou tard. Je viens de reprendre connaissance. Je suis allongé comme une bûche sur le sol humide, au milieu d'épais buissons. De profondes ténèbres m'environnent, j'y vois absolument rien. La tête toujours appuyée contre des branches épineuses, je prends une profonde inspiration. Dans la nuit, je sens une odeur de plantes, de terre, mêlée à des relents de crottes de chien. J'aperçois un bout de ciel entre les branches. Il n'y a ni lune ni étoile. Pourtant, le ciel est étrangement clair. On dirait que les nuages forment un écran sur lequel se réfléchit la lumière de la terre. Je dois me trouver quelque part en ville. J'essaie de reprendre mes esprits. Pour ça, il faut que tu rassembles les morceaux du puzzle de ta personnalité éparpillés autour de toi. J'ai l'impression que c'est pas la première fois. J'ai la sensation d'avoir déjà vécu cette scène. Mais où? Et quand? J'essaie de remonter le fil de ma mémoire, mais il se casse tout de suite. Je ferme les yeux et laisse couler le temps. Le problème concret auquel nous devions faire face était bien sûr comment sortir ce garçon du coma. Le temps passe. Soudain, je pense à mon sac à dos. La panique m'envahit. Mon sac, où est-il? Je peux pas l'avoir perdu. Il contient tout ce que je possède. Mais il fait trop sombre, j'y vois rien. Et quand j'essaie de me relever, je retombe, sans force. Finalement, je parviens à soulever mon bras gauche. Pourquoi est-il si lourd tout à coup? Et je le rapproche de mon visage pour regarder ma montre. Les chiffres sur l'écran indiquent 23h26, le 28 mai. L'enfant parut se réveiller simplement parce que l'heure était venue. 23h26, le 28 mai. Je tourne mentalement les pages de mon calendrier. Tout va bien, la date n'a pas changé. Je suis pas resté inconscient plusieurs jours. Quelques heures tout au plus, 4 peut-être. Le 28 mai. Il s'est rien passé de particulier ce jour-là, si je me souviens bien. La routine, je suis allé au gymnase, puis à la bibliothèque Komura. J'ai fait ma série d'exercices sur les machines, et ensuite j'ai lu Soseki sur un canapé de la salle de lecture. J'ai dîné près de la gare, du saumon, je me rappelle, avec de la soupe au miso et de la salade. J'ai demandé un second bol de riz, et après, je me souviens plus de rien. Très vite, on a pu constater qu'il était devenu totalement amnésique. Mon épaule gauche me lance. Au fur et à mesure que les sensations physiques reviennent, la douleur se réveille. J'ai dû heurter violemment quelque chose. J'ai peut-être été renversé par une voiture. Mais mes vêtements ne sont pas déchirés et j'ai mal nulle part ailleurs qu'à l'épaule gauche. Je me suis probablement cogné. Je remue un peu dans les buissons, tâtonne autour de moi. Ma main ne sent rien d'autre que des branches dures et tortueuses comme des cœurs de petits animaux torturés. Je finis par découvrir mon sac, posé contre le tronc d'un pin. Pourquoi l'ai-je laissé là avant de m'enfoncer dans ces buissons et de m'y évanouir? Et surtout, où suis-je? Ma mémoire est gelée. Il ne se rappelait même pas son nom. Pas même les visages de ses parents. Je jette le sac sur mon dos, écrase quelques buissons, écarte des branches et émerge dans une petite clairière d'où part un sentier que j'emprunte en éclairant le sol à mes pieds. Je ne tarde pas à percevoir une lumière et à déboucher dans l'enceinte d'un sanctuaire Shinto. Un sanctuaire assez grand apparemment. Il est éclairé par une seule grosse lampe au mercure qui jette une lumière froide sur le bâtiment, les plaquettes votives et l'urne à offrande. Mon ombre s'allonge étrangement sur le gravier. Les alentours sont déserts. J'aperçois des toilettes et m'y rends aussitôt. Je pose mon sac à dos, me lave la figure, observe mon reflet brouillé dans la glace au-dessus du lavabo. Tu t'attendais au pire et tu n'es pas déçu. Tu as vraiment la mine défaite. Je suis blême. Les joues creuses. J'ai des traces de boue le long du cou, les cheveux en bataille. Je remarque quelque chose de noir collé sur le devant de mon t-shirt. On dirait un grand papillon aux ailes ouvertes. Je frotte, mais ça part pas. Je tâte cette tache. Elle est étrangement visqueuse. Je suis affolé. Mais j'enlève lentement pour me donner le temps de me calmer ma chemise en jean, puis mon t-shirt blanc. Il a suffoqué. Un peu de sang recueilli dans la pipette s'est éparpillé sur ses draps. C'est le seul incident qui s'est produit ce jour-là. Sous le néon qui clignote, je me rends compte qu'il s'agit d'une tache de sang. Un sang noirâtre, encore frais et assez abondant. Je le lave dans le lavabo. L'eau ensanglantée ne tarde pas à rougir la porcelaine blanche. Les gens saigneront. Mais j'ai beau frotter, la tache refuse de disparaître. Et toi aussi tu saigneras. Un sang chaud et rouge coulera. Je roule le vêtement en boule, le fourre dans un sac en plastique, mets le tout dans mon sac à dos. Je sors mon savon de ma trousse de toilette et me lave les mains. J'ai des traces rouges jusque sous les ongles. J'essuie avec une serviette humide le sang qui a suinté à travers mon t-shirt et me colle encore à la poitrine. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. J'enfile ma chemise, la boutonne jusqu'au cou, rentre les pans à l'intérieur de mon pantalon. Si je veux pas attirer l'attention sur moi, il faut que j'aie l'air à peu près normal. La peur, cependant, me fait claquer des dents. J'écarte mes mains et les contemple. Elles tremblent encore. On dirait que ce ne sont pas mes mains, mais deux petits animaux indépendants animés d'une vie propre. Et puis mes paumes me démangent horriblement. Comme si je venais de serrer une barre de métal brûlant. J'ai envie de pleurer. Mais ça servira à rien. Personne ne viendra à mon secours. Personne. Ouvre le frigidaire. Nakata sait très bien que ce n'est pas le chien qui donne les ordres. C'est Johnny Walker. C'est lui qui regarde Nakata à travers les yeux du chien. Maintenant, ouvre le congélateur. Que vois-tu ? Nakata voit une vingtaine de gros fruits ronds, soigneusement alignés. C'est tout. Regarde de plus près. Nakata s'est trompé. Ce ne sont pas du tout des fruits, mais des têtes de chat. Tout à fait. Tout à fait des têtes de chat congelées. Des têtes de chat de taille et de couleurs différentes, alignées sur trois étagères, comme des oranges chez le marchand de primeurs. Les têtes ont l'air de regarder vers Nakata. Regarde bien. Vérifie par toi-même si Sésame est parmi eux ou non. Je ne crois pas que ces âmes se trouvent là. Tu en es sûr ? Oui. peux pas rester ici indéfiniment. Si une patrouille de police te découvrait dans ces toilettes avec tout ce sang, ce serait la fin des haricots. Mais retourner directement à l'hôtel n'est peut-être pas une bonne idée non plus. Peut-être sont-ils déjà là-bas, prêts à te cueillir. On n'est jamais trop prudent. Tu t'es peut-être trouvé mêlé à un crime à ton insu et on ne peut pas exclure la possibilité que ce soit toi le criminel. Heureusement, tu as toutes tes affaires avec toi. Tu t'es baladé partout avec ce gros sac à dos qui contient tout ce que tu possèdes. Tu as fait ce qu'il fallait, tu vois. Alors n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Tu es le garçon de 15 ans le plus courageux au monde, non? Je suis le garçon de 15 ans le plus courageux au monde. Aie confiance en toi. Respire calmement. Fais travailler ta cervelle et tout se passera bien. Mais n'oublie pas d'être prudent. Le sang a coulé, du vrai sang et en grande quantité. Peut-être qu'on te recherche déjà à l'heure qu'il est. Alors, en piste! Il n'y a qu'une chose à faire, un seul endroit où aller. Et tu sais lequel? C'est moi qui ai coupé toutes ces têtes. J'en fais collection. Alors, c'est bien vous qui capturez les chats dans le terrain vague et les tuez? C'est exact. Je suis Johnny Walken, le fameux tueur de chats. Nakata ne comprend pas très bien. Peut-il vous poser une question? Naturellement. Je suppose que tu veux me demander pourquoi je tue tous ces chats et pourquoi je collectionne leurs têtes, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ce que Nakata aimerait savoir. C'est un grand secret. Aussi, je ne le raconte pas d'habitude, mais je vais faire une exception pour toi. Alors voilà. Ce n'est pas simplement par plaisir que je tue les chats. Je ne suis pas malade au point de trouver du plaisir à en tuer autant. Non, si je les tue, c'est pour réunir leurs âmes, avec lesquelles je fabrique une flûte d'un genre particulier. Quand je soufflerai dans cette flûte, cela me permettra de réunir des âmes plus grandes. Et je fabriquerai une flûte plus grande. Et quand je soufflerai dans cette flûte, je rassemblerai des âmes encore plus importantes et fabriquerai une autre flûte plus grande encore. À force, je devrais arriver à fabriquer une flûte de la taille de l'univers. Mais je dois commencer par les chats. C'est le point de départ. Je dois rassembler des âmes de chats. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Décidément, Nakata ne comprend rien à tout ça. Des flûtes. Mais lesquelles? Des flûtes traversières ou des flûtes droites? Et une âme de chat, à quoi cela ressemble-t-il au juste? Tu veux repartir d'ici avec ces âmes? Tout à fait. Nakata veut ramener ses âmes chez elle. C'est ta mission. Nous avons tous une mission à remplir dans la vie. C'est bien naturel. Sans doute est-ce la première fois que tu entends parler d'une flûte faite avec des âmes de chat. Oui, en effet. Rien d'étonnant puisque c'est une flûte qu'on n'entend pas avec ses oreilles. Une flûte silencieuse? Exactement. Moi, je l'entends, bien sûr. Si je ne l'entendais pas, ça n'aurait aucun sens. À vrai dire, Nakata, je m'apprêtais justement à couper les têtes des chats que j'ai attrapés. Une fois que ce sera fait, tu ne pourras plus ramener ces âmes chez les Koizumi, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, je veux couper la tête de ces âmes, et toi, tu ne veux pas que je le fasse. Nos missions et nos intérêts se contrarient. Cela arrive souvent dans la vie. Dans ce cas-là, on négocie. Autrement dit, si tu fais une certaine chose pour moi, de mon côté, je te rendrai ces âmes entières et en bonne santé. Ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est que tu me tues, que tu me supprimes. Nakata doit tuer Monsieur Johnny Walken. Allô? Tamura, tu sais l'heure qu'il est? Je me lève tôt, moi, demain. Je sais que c'est pas une heure pour appeler les gens, mais j'avais pas le choix. Je suis vraiment dans le pétrin et t'es la seule personne à qui je peux tout raconter. C'est grave. Je sais pas exactement, mais je crois que oui. Aide-moi, juste pour cette fois. Je te promets que je te dérangerai pas longtemps. Où es-tu? C'est à Takamatsu? Je suis pas sûr, mais je crois oui. Ça alors, tu sais même pas où t'es. C'est une longue histoire. Trouve un taxi et fais-toi conduire au Lawson. C'est un drugstore connu ouvert toute la nuit, tu peux pas te tromper. T'as de quoi régler la course? Oui. Tant mieux. Nakata doit tuer Monsieur Johnny Walken? Tout à fait, tout à fait. À vrai dire, je suis là de la vie. Et je suis un peu fatigué de tuer tous ces chats. En plus, ça ne fait plaisir à personne. Mais c'est fixé par la règle. Je ne peux pas faire autrement. Impossible de m'arrêter tout d'un coup en disant simplement « je me retire des affaires ». Et je ne peux pas me tuer moi-même. Ça aussi, c'est fixé par la règle. Je ne peux pas me suicider. Il y a un tas de règles. Si je veux mourir, il faut que je demande à quelqu'un de me tuer. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà pourquoi je me suis adressé à toi. Il faut me tuer sans hésiter, avec peur et avec haine. D'abord, tu as peur de moi. Ensuite, tu me détestes. Et finalement, tu m'assassines. Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Nakata n'a jamais tué personne. Nakata n'est pas porté sur ce genre de choses. Mais je le sais bien, ce n'est pas dans ton tempérament. Voilà comment il faut voir les choses. Dis-toi que c'est la guerre. Toi, tu es un soldat et tu dois prendre une décision. Soit c'est moi qui tue les chats, soit c'est toi qui me tues. L'un ou l'autre. Tu dois choisir ici et maintenant. La seule chose qui puisse t'aider, si tu as besoin d'aide, c'est de te dire que je désire vraiment mourir, du fond du cœur. C'est moi qui te supplie de me tuer. Tu n'as donc aucun problème de conscience à avoir. Tu exauces mon souhait, c'est tout. Ce n'est pas comme si tu tuais quelqu'un qui n'a pas envie de mourir. Dans le cas présent, tu accomplis quasiment une bonne action. Mais Nakata ne peut vraiment pas faire ce que vous lui demandez. Même si je voulais, je ne saurais pas comment m'y prendre. Je vois. Je vois. Tu ne saurais pas comment t'y prendre. Logique. Alors, écoute. Je vais t'aider. Le truc pour tuer quelqu'un, tu vois, Nakata, c'est de ne pas hésiter. C'est ça, le truc. J'ai justement un bon exemple, tiens. Il ne s'agit pas d'une personne, mais cela peut te servir de référence. C'est affreux, vraiment. Ce sac contient 5 chats. Je les ai tous capturés dans le terrain vague. La pire chose qui puisse arriver à un chat, c'est d'être enfermé dans un sac. Je leur ai injecté un produit paralysant. Pas un anesthésiant. Ils ne sont pas endormis et ont conservé toutes leurs sensations. Ils ressentent aussi la douleur. Mais, comme leurs muscles sont relâchés, ils ne peuvent pas agiter leurs pattes, ni tourner la tête. Je n'ai pas envie de les voir se débattre. Voilà pourquoi je m'y prends ainsi. Je vais ouvrir le ventre de cet animal avec un couteau, extraire son cœur tout palpitant et lui trancher la tête. Le tout sous tes yeux. Il y aura du sang partout et le chat va beaucoup souffrir. Imagine qu'on t'ouvre pour sortir ton cœur. Ce serait douloureux, non ? Il existe des gens à l'esprit assez tordu en ce monde, vous savez. Je ne suis pas un de ces sadiques sans pitié, mais je ne peux pas faire autrement. Il faut qu'il y ait de la souffrance. Ça fait partie des règles. Alors je sais, il y a vraiment beaucoup de règles ici, mais le travail, c'est le travail. Je vais tuer ces chats un par un et je m'occuperai de ces âmes en dernier. Tu as encore un peu de temps devant toi pour te décider. N'oublie pas, soit je tue tous les chats, soit tu me tues. C'est la seule alternative. C'est l'appartement d'une amie. Tiens, bois. T'as faim? J'ai des nouilles instantanées si ça te dit. J'ai pas faim. Tu sais que t'as vraiment une sale mine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'aimerais bien le savoir. Tu sais pas ce qui t'est arrivé, tu sais pas où t'étais. Ça va être long à expliquer. La seule chose dont tu sois sûr, c'est que t'es dans le pétrin. Je suis vraiment dans le pétrin. Tu t'es peut-être trouvé mêlé à un crime à ton insu et on ne peut pas exclure la possibilité que ce soit toi le criminel. En fait, t'as pas de famille à Takamatsu, hein? Tu fais une fugue, c'est ça? Oui. Moi aussi, j'ai fait une fugue quand j'avais ton âge. Je pense que je peux te comprendre. C'est pour ça que je t'ai donné mon numéro de téléphone. Je me disais que ça pourrait te servir. Merci. Et si tu me racontais tout depuis le début ? De toute façon, je crois pas que je pourrais dormir cette nuit. Alors autant écouter ton histoire. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. Cinquième épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Philippe Magnan, Johnny Woken, Alexia Monduit, Sakura. Et les voix d'Arthur Ribaud, René Farabet, Chantal Galliana. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissans. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Broire, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.